Madame Du Myon, présidente du comité central du parti tchondoïste Tchongwu, a publié le 24 un écrit titré « À la mémoire de ma vie authentique après 30 ans ». Elle écrit notamment « Voilà déjà passé 30 ans après que je me suis installée dans la patrie avec mon mari Chadoxin. Au cours de ces plus de 10 900 jours, nous avons découvert la lumière de la vie humaine dans les bras des grands hommes Bektusan et nous avons changé d'aspect. Nous avons également appris dans le bonheur et la gloire infinie ce qui est le plus précieux dans le monde. Grâce au président père Kim Il-sung et au grand dirigeant Kim Jong-il, à jamais inoubliable et regrettable, et grâce à l'affection chaleureuse du respecté maréchal Kim Jong-un, je ressens encore de la vigueur, malgré mon âge de plus de 90 ans, en jouissant de tous les bienfaits. Notre République prend soin et fait honneur à celui qui fait tant soit peu une chose juste pour la nation, avec sa politique d'affection et de confiance et sa politique de vertu. Notre République est vraiment le berceau de la vie véritable de tous les compatriotes et le pays providentiel promettant un avenir rose de la nation.